Chapitre 6. Tombeau chrétien. En parlant du sépulcre dans notre religion, le ton s'élève et la voix se fortifie. On sent que c'est là le vrai tombeau de l'homme. Le monument de l'idolâtre ne vous entretient que du passé. Celui du chrétien ne vous parle que de l'avenir. Le christianisme a toujours fait en tout le mieux possible. Jamais il n'a eu de ces demi-conceptions si fréquentes dans les autres cultes. Ainsi, par rapport au sépulcre, négligeant les idées intermédiaires qui tiennent aux accidents et aux lieux, il s'est distingué des autres religions par une coutume sublime. Il a placé la cendre des fidèles dans l'ombre des temples du Seigneur et déposé les morts dans le sein du Dieu vivant. Lycurgue n'avait pas craint d'établir les tombeaux au milieu de Lacédémone. Il avait pensé, comme notre religion, que la cendre des pères, loin d'abréger les jours des fils, prolonge en effet leur existence, en leur enseignant la modération et la vertu qui conduisent à une heureuse vieillesse. Les raisons humaines qu'on a opposées à ces raisons divines sont bien loin d'être convaincantes. Meurt-on moins en France que dans le reste de l'Europe, où les cimetières sont encore dans les villes? Lorsque, autrefois, parmi nous, on sépara les tombeaux des églises, le peuple, qui n'est pas si prudent que les beaux esprits, qui n'a pas les mêmes raisons de craindre le bout de la vie, le peuple s'opposa à l'abandon des antiques sépultures. Et qu'avaient en effet les modernes cimetières qui pu le disputer aux anciens? Où étaient leurs lierres, leurs ifs, leurs gazons nourris depuis tant de siècles des biens de la tombe? Pouvait-il montrer les eaux sacrées des aïeux, le temple, la maison du médecin spirituel, enfin cet appareil de religion qui promettait, qui assurait même, une renaissance très prochaine? Au lieu de ces cimetières fréquentés, on nous assigna dans quelques faubourgs un enclos solitaire, abandonné des vivants et des souvenirs, et où la mort, privée de tout signe d'espérance, semblait devoir être éternelle. Qu'on nous en croit, c'est lorsqu'on vient à toucher à ces bases fondamentales de l'édifice que les royaumes, trop remués, s'écroulent. Encore si l'on s'était contenté de changer simplement le lieu des sépultures. Mais non satisfait de cette première atteinte portée aux mœurs, on fouilla les cendres de nos pères. On enleva leurs restes, comme le manant enlève dans son tombereau les boues et les ordures de nos cités. Il fut réservé à notre siècle de voir ce qu'on regardait comme le plus grand malheur chez les anciens, ce qui était le dernier supplice dont on punissait les scélérats. Nous entendons la dispersion des cendres. De voir, disons-nous, cette dispersion applaudie comme le chef-d'œuvre de la philosophie. Et où était donc le crime de nos aïeux pour traiter ainsi leurs restes, sinon d'avoir mis au jour des fils tels que nous? Mais écoutez la fin de tout ceci, et voyez l'énormité de la sagesse humaine. Dans quelques villes de France, on bâtit des cachots sur l'emplacement des cimetières. On éleva les prisons des hommes sur le champ où Dieu avait décrété la fin de tout esclavage. On édifia des lieux de douleur pour remplacer les demeures où toutes les peines viennent finir. Enfin, il ne resta qu'une ressemblance, à la vérité effroyable, entre ces prisons et ces cimetières. C'est là que s'exercent les jugements iniques des hommes, là où Dieu avait prononcé les arrêts de son inviolable justice. Chapitre 7. Cimetière de campagne. Les anciens n'ont point eu de lieu de sépulture plus agréable que nos cimetières de campagne. Des prairies, des champs, des eaux, des bois, une riante perspective mariaient leurs simples images avec les tombeaux des laboureurs. On aimait à voir le gros if qui ne végétait plus que par son écorce, les pommiers du presbytère, le haut gazon, les peupliers, l'ornement des morts, et les buis, et les petites croix de consolation et de grâce. Au milieu des paisibles monuments, le temple villageois élevait sa tour surmontée de l'emblème rustique de la vigilance. On entendait dans ces lieux que le chant du rouge-gorge et le bruit des brebis qui broutaient l'herbe de la tombe de leur ancien pasteur. Les sentiers qui traversaient l'enclos béni aboutissaient à l'église ou à la maison du curé. Ils étaient tracés par le pauvre et le pèlerin qui allaient prier le Dieu des miracles ou demander le pain de l'aumône à l'homme de l'Évangile. L'indifférent ou le riche ne passait point sur ces tombeaux. On y lisait pour toute épitaphe Guillaume ou Paul, né en telle année, mort en telle autre. Sur quelques-uns, il n'y avait pas même de nom. Le laboureur chrétien repose oublié dans la mort, comme ces végétaux utiles au milieu desquels il a vécu. La nature ne grave pas le nom des chênes sur leurs troncs abattus dans les forêts. Cependant, en errant un jour dans un cimetière de campagne, nous aperçûmes une épitaphe latine sur une pierre qui annonçait le tombeau d'un enfant. Surpris de cette magnificence, nous nous en approchâmes pour connaître l'érudition du curé du village. Nous lûmes ces mots de l'Évangile. Sinite paulos venire ad me. Laissez les petits-enfants venir à moi. Les cimetières de la Suisse sont quelquefois placés sur des rochers, d'où ils commandent les lacs, les précipices et les vallées. Le chamois et l'aigle y fixent leur demeure, et la mort croît sur ces sites escarpés comme ces plantes alpines dont la racine est plongée dans des glaces éternelles. Après son trépas, le paysan de Glaris ou de Saint-Gall est transporté sur ces hauts lieux par son pasteur. Le convoi a pour pompe funèbre la pompe de la nature et pour musique, sur les croupes des Alpes, ces airs bucoliques qui rappellent aux Suisses exilés son père, sa mère, ses sœurs et les bêlements des troupeaux de sa montagne. L'Italie présente aux voyageurs ses catacombes, ou l'humble monument d'un martyr dans les jardins de Mécène et de Lucullus. L'Angleterre a ses morts vêtus de laine et ses tombeaux semés de réséda. Dans ces cimetières d'Albion, nos yeux attendris ont quelquefois rencontré un nom français au milieu des épitaphes étrangères. Revenons au tombeau de la patrie. Chapitre 8. Tombeau dans les églises. Rappelez-vous un moment les vieux monastères ou les cathédrales gothiques telles qu'elles existaient autrefois. Parcourez ces ailes du cœur, ces chapelles, ces nefs, ces cloîtres pavés par la mort, ces sanctuaires remplis de sépulcres. Dans ce labyrinthe de tombeaux, quels sont ceux qui vous frappent davantage? Sont-ce ces monuments modernes, chargés de figures allégoriques, qui écrasent de leur marbre glacé des cendres moins glacées qu'elles? Vains simulacres qui semblent partager la double léthargie du cercueil où ils sont assis et des cœurs mondains qui les ont fait élever. À peine y jetez-vous un coup d'œil. Mais vous vous arrêtez devant ce tombeau poudreux sur lequel est couchée la figure gothique de quelque évêque revêtu de ses habits pontificaux, les mains jointes, les yeux fermés. Vous vous arrêtez devant ce monument où un abbé, soulevé sur le coude, et la tête appuyée sur la main semble rêver à la mort. Le sommeil du prélat et l'attitude du prêtre ont quelque chose de mystérieux. Le premier paraît profondément occupé de ce qu'il voit dans ses rêves de la tombe. Le second, comme un homme en voyage, n'a pas voulu se coucher entièrement tant le moment où il doit se relever est proche. Et quelle est cette grande dame qui repose ici près de son époux ? L'un et l'autre sont habillés dans toute la pompe gauloise. Un coussin supporte leur tête, et leur tête semble si appesantie par les pavots de la mort qu'elles ont fait fléchir cet oreiller de pierre. Heureux si ces deux époux n'ont point eu de confidence pénible à se faire sur le lit de leur hymen funèbre. Au fond de cette chapelle retirée, voici quatre écuyers de marbre, bardés de fer, armés de toutes pièces, les mains jointes et à genoux, aux quatre coins de l'entablement d'un tombeau. Est-ce toi, Bayard, qui rendais la rançon aux vierges pour les marier à leurs amants? Est-ce toi, Beaumanoir, qui buvais ton sang dans le combat des Trente? Est-ce quelque autre chevalier qui sommeille ici? Ces écuyers semblent prier avec ferveur, car ces vaillants hommes, anticonneurs du nom français, tout guerriers qu'ils étaient, n'en craignaient pas moins Dieu du fond du cœur. C'était en criant « Montjoie et Saint-Denis » qu'ils arrachaient la France aux Anglais et faisaient des miracles de vaillance pour l'Église, leur dame et leur roi. N'y a-t-il donc rien de merveilleux dans ces temps des Rolands, des Godefroy, des sires de Coucy et de Joinville? dans ces temps des morts, des Sarrasins, des royaumes de Jérusalem et de Chypre, dans ces temps où l'Orient et l'Asie échangeaient d'armes et de mœurs avec l'Europe et l'Occident, dans ces temps où Thibaut chantait, où les troubadours se mêlaient aux armes, les danses à la religion et les tournois aux sièges et aux batailles. Sans doute, ils étaient merveilleux, ces temps, mais ils sont passés. La religion avait averti les chevaliers de cette vanité des choses humaines. Lorsqu'à la suite d'une longue énumération de titres pompeux, « Ô et puissant seigneur, messire Anne de Montmorency, connétable de France, etc., etc. », elle avait ajouté « Priez pour lui, pauvre pécheur. » C'est tout le néant. Quant aux sépultures souterraines, elles étaient généralement réservées aux rois et aux religieux. Lorsqu'on voulait se nourrir de sérieuses et d'utiles pensées, il fallait descendre dans les caveaux des couvents et contempler ces solitaires endormis, qui n'étaient pas plus calmes dans leur demeure funèbre qu'ils ne l'avaient été sur la terre. Que votre sommeil soit profond sous ces voûtes, homme de paix, qui aviez partagé votre héritage mortel à vos frères, et qui, comme le héros de la Grèce, partant pour la conquête d'un autre univers, ne vous étiez réservé que l'espérance.